On va parler de la victoire exceptionnelle de Bianca Andreescu. Ça n'a pas juste été une victoire exceptionnelle, ça a été vraiment un match pour les gens là, qui découvraient le tennis. C'était peut-être le match à découvrir parce que ça a été un excellent match de tennis. On en parle avec Caroline Delisle. Salut Caroline. Oui, bonjour. Caroline, je peux pas te dire que je suis un grand, grand partisan de tennis. Probablement que si ça n'aurait pas été une des nôtres, je ne l'aurais pas écouté. Je m'en confesse, mais par contre, pour ceux-là là, qui tout comme moi, là, qui ne sont pas des grands adeptes de tennis, ça a été tout un match. Oui, effectivement. Là, je crois que je suis persuadée que Bianca a gagné beaucoup d'admirateurs sur la scène mondiale au cours des 10 derniers jours. Elle a puisé là, au plus profond de ses ressources. Puis écoutez, elle nous a montré là, de l'excellent tennis. Elle a jamais lâché. Elle a une très grande qualité. Là, je veux dire, même là, malgré qu'elle avait des crampes, bon, elle était semblée épuisée aussi, elle avait des mal à l'épaule et tout. Elle a réussi quand même à remonter puis à revenir de l'arrière dans le troisième set. C'est sûr que la grosse différence, je crois, c'est quand son entraîneur Sylvain Bruno lui a parlé là à 2-3 dans la troisième manche. On dirait que ça lui a donné un regain d'énergie. Puis, écoutez, elle a joué de l'excellent tennis par la suite. Là, elle a presque rien donné. Elle faisait moins d'erreurs. Puis, elle s'est mise à bien servir aussi pour terminer le match. Fait que c'est super là. Écoutez, pour le tennis canadien, c'est fabuleux. Puis on peut être fier de notre Canadienne parce que c'est performer comme ça devant autant de monde, autant de gens, un grand stade comme ça, devant les médias, à la télé, elle avait quand même une certaine pression, là, faut dire, hein, mais ça paraissait pas. Elle s'est comportée en championne. Puis moi, je trouve que c'est ce qui est très, très beau à voir parce que, écoutez, elle a seulement 18 ans. Elle a pas quand même un gros bagage là en termes de disputer des gros matchs sur des grands terrains comme ça. Mais, tu sais, hier, ça paraissait pas du tout, là, puis elle était aucunement intimidée. Elle a vaincu quand même Angelique Kerber, qui est une ancienne championne mondiale, qui détient trois titres là, en tournoi du Grand Chelem. Bon, puis même avant ça, elle a battu quand même d'autres joueuses qui ont été numéro un, comme Caroline Wozniacki, Venus Williams, Garbiñ Muguruza. Donc, c'est pas rien. Là, toutes les victoires qu'elle continue d'accumuler. Puis, on n'a pas fini d'entendre parler, hein, parce que, bon, moi, je pense qu'avec son style de jeu, ça peut rester en santé, mais je pense qu'elle va nous démontrer là, encore de très, très, très belles choses. Et moi, je pense qu'elle a un avenir très, très prometteur. Puis, en tout cas, pour nous, là, les Québécois, les Canadiens, en tout cas, c'est excellent parce qu'autant au niveau des femmes que des hommes, là, on s'affiche, là, donc c'est très motivant. Dis-moi, il faut rendre crédit aussi à Sylvain Bruno, hein? Ah ben c'est clair, parce qu'écoutez, à 2-3, il lui a parlé deux fois dans le match. Lors de la deuxième manche, au cours de la troisième manche, là, ça a fait une différence, parce qu'à 2-3, là, notre Bianca semblait pas mal abattue. Il a été capable d'aller chercher les mots qui allaient la remettre sur le droit chemin, puis en lui disant que c'était une battante, puis qu'on savait que ce serait pas facile, puis il fallait qu'elle puise dans ses ressources, et c'est ce qu'elle a fait. Mais écoutez, il y avait vraiment les bons mots pour lui dire, la calmer, puis être capable de bien la diriger pour qu'elle puisse terminer le match en force comme ça. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, lui aussi, il passe pour un héros, là, parce que bon, ça n'avait pas été de son speech, je suis pas certaine là, que Bianca aurait soulevé le trophée à la fin du match, là. Écoutez, c'est clair que c'est tout en son honneur parce que c'est quand même elle qui était sur le terrain puis qu'il fallait qu'il se batte comme ça. Mais écoutez, c'est fabuleux là. J'ai pas d'autres mots pour le décrire là. C'est incroyable. Tu la connais mieux que nous autres. Tu l'avais avec Saguenay. Est-ce vrai que c'est une joueuse qui est souvent qui montre des signes de fatigue comme on l'a vu, qu'on pense que ça rendra pas, finalement réussit toujours à puiser dans ses réserves pour aller jusqu'au bout. C'est la première fois que tu la voyais de même. C'est que, effectivement, c'est ça au niveau physique. Des fois, on pense qu'elle tire de la patte, puis bon, elle a souvent des petites blessures et tout. Sauf qu'elle a un style de jeu quand même très physique, fait qu'elle se donne beaucoup, elle fait souvent le grand écart, elle est très, très flexible. Bon, elle peut être plus propice des fois à se blesser qu'une autre. C'est sûr qu'au niveau de l'endurance, par contre, ben là, je pense que ça, ben, elle va continuer à travailler ça, à essayer d'améliorer ça. Je sais qu'elle fait beaucoup de yoga, justement, pour se calmer, puis être capable de bien garder le focus et tout. Mais c'est vrai qu'au niveau physique, on a toujours eu peur un petit peu, là, même dans les fois qu'elle est venue jouer ici au Challenger, elle est venue les trois dernières années. Et puis des fois, on disait, ah là, son dos la faisait souffrir. Mm. Bon, des fois, elle avait d'autres choses. Mais là, je crois qu'elle est de plus en plus en forme parce qu'elle est quand même mieux entourée. Elle a changé un petit peu au niveau de sa nutrition aussi. Puis son entraînement physique, tu sais, ils sont très, très bien suivis. Elle a un thérapeute aussi avec elle. Donc, c'est sûr que, bon, les athlètes aujourd'hui, hein, s'ils sont bien encadrés, ben ils ont plus de chances justement de bien performer puis de peut-être se tenir loin des fameuses blessures. Fait que dans son cas, en tout cas, on va espérer là, que ça continue. Mais je sais que, en tout cas, dans le troisième set, là, à un moment donné, ça paraissait plus qu'elle était fatiguée, là, puis qu'elle avait des crampes et tout. Là, elle a réussi là, à mettre ça de côté puis à redevenir la Bianca qu'on avait vue dans le premier set. Là. Donc, c'était beau à voir. Puis écoutez, on partage très beaux moments présentement là, sur le tennis au niveau international. Puis, en tout cas, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui en parlent. Là. Je pense que son nom est pas mal sur toutes les lèvres ce matin. Oui. Puis je voyais sur les sites, sur le site de WTA, sur le site de tennis.com, on parle beaucoup, beaucoup de Bianca Andreescu, des sites spécialisés, là, vraiment. Là, il y a l'histoire des crampes. Ça m'inquiète, ça, Caroline. Est-ce que ça s'améliore, ça? Parce que je pense que les joueuses de tennis, ça va se passer le mot au sein de la WTA, là. Ça va se passer le mot de dire, regarde, on a juste à la faire courir, puis c'est tout. Ouais, mais je veux dire, c'est plus que ça, hein, parce que c'est sûr que, bon, des crampes, bon, ça peut être dû parce que le joueur s'hydrate pas assez, mange pas assez, ainsi de suite. Il y en a qui sont plus fragiles que d'autres aussi, c'est peut-être le cas pour Bianca, mais je pense qu'avec son nouvel environnement, là, au niveau de bon, son encadrement et tout, là, je pense que ça va s'améliorer, là. D'ailleurs, moi, je pense qu'elle est déjà quand même mieux. Mmh. Elle semble quand même moins souvent blessée, là, qu'elle l'était les dernières années, si on veut, parce que justement, elle s'entraîne peut-être de meilleure façon. Puis au niveau de l'hydratation, hier, je sais pas si vous avez remarqué, mais même durant le match, des fois, elle demandait au chasseur de balles de lui apporter sa bouteille d'eau, là, même entre deux points, là. Alors que normalement, on boit seulement lorsqu'on change de côté. Fait que c'est, je pense que c'est toutes des petites améliorations qui vont apporter, qui va l'aider, parce que c'est pas juste de faire courir l'autre. Puis oui, on sait que bon, si le match dure longtemps, que peut-être que oui, il y a plus de chances qu'elle va avoir des crampes, mais je pense que c'est un addon aussi. Faut pas oublier qu'il faisait très chaud aussi. Ouais. Je pense que ça dépend un petit peu là, du contexte et tout, mais on va espérer en tout cas qu'elle va pouvoir justement là, éviter ça, parce que c'est sûr que à partir du moment qu'on a des crampes, on est quand même assez limité. Là. C'est difficile des fois de les faire partir. Puis en plus, le thérapeute, lorsqu'il vient pour traiter une blessure, ben maintenant les crampes, à un moment donné, ils acceptaient de traiter les crampes, puis là maintenant ils l'ont enlevé encore. Là. Donc la thérapeute peut y aller, mais seulement pour la durée du changement de côté qui est de 90 secondes. Il avait fait ça pour un petit peu pour retarder le match, j'imagine, puisqu'il y en avait qui devaient exagérer, hein. Oui, c'est sûr qu'à un moment donné, c'est sûr que des crampes, dans un sens, c'est pas nécessairement considéré comme une blessure. C'est plus comme quelque chose qui arrive à quelqu'un qui est comme, soudain, si on veut. Mais c'est vrai que ça fait très, très mal. Fait qu'ils ont comme décidé justement d'enlever ça, puis ça veut dire que là, les joueurs sont responsables un peu de leur sort, là, dans le sens qu'il faut qu'ils s'hydratent le mieux possible, puis faut qu'ils essaient de gérer ça le mieux possible. Mais hier, en tout cas, heureusement, c'était presque la fin du match quand t'as commencé à avoir des crampes, mais c'était le temps que ça finisse. Il y aurait eu un autre set, puis peut-être que ça aurait été encore plus difficile, là. Mais c'est ça. Fait que c'est quand même bien là, d'avoir réussi à finir le match en force comme elle l'a fait, là, considérant qu'elle était quand même diminuée par les blessures et les crampes. Parce que c'est quand même une personne par le passé qui était fragile. Tu es d'accord avec moi là-dessus. Puis là, elle a joué le plus. C'est une des joueuses qui a joué le plus de matchs. Donc, il faut s'attendre peut-être à un changement dans son calendrier. Ah ben c'est certain, écoutez, là, c'est certain, la France, c'est 24e au monde ce matin, donc c'est sûr que là, tu sais, elle était 250e lorsqu'elle est venue au Challenger en 2018, octobre 2018, ça fait à peine 5-6 mois, donc c'est pour elle, là, c'est tout un changement, fait que c'est certain qu'ils vont, pour ça que je vous dis, même Miami cette semaine, comment ils vont gérer ça, je sais pas, tu sais, si ses blessures sont un petit peu trop, ils prendront pas de chance, là, tu sais, on peut pas arriver puis dire continue d'y aller, puis tu sais, avec tout le nombre de matchs qu'elle a joué, faut qu'ils fassent attention à ça, là, parce qu'ils veulent pas la brûler non plus, autant physique que mental, là, tu sais, c'est pas évident, là, fait qu'elle, c'est tout nouveau pour elle aussi, là, de tout gérer ça, là, elle a les médias à gérer, elle a, tu sais, tous les spectateurs, elle a tout ça, là, c'est quand même pas si facile que ça. Puis là, comme je vous dis, ben la pression, elle n'a pas l'air d'en avoir présentement, mais si elle veut pas, quand les attentes sont là, ben peut-être que la pression va venir aussi un petit peu. Ça fait que c'est de voir comment elle va être capable de tout gérer ça. Mais c'est pour ça aussi que hein, les athlètes sont bien encadrés, ils ont un entourage, puis l'entourage généralement peut bien les conseiller, puis bien les préparer. Et puis, écoutez, nous, à Saguenay, on l'a eu pendant 3 ans ici. On est fiers aussi de pouvoir dire qu'on contribue au développement de ces athlètes-là, ben oui. Hein, parce que c'est vraiment des tournois pour ça. Et puis, tu sais, d'accumuler des points, puis pouvoir aller ensuite sur les grands circuits, puis performer de la sorte. Fait que ça vous démontre le calibre quand même qu'on peut avoir ici, là, tu sais, à Saguenay ou dans les autres challengers au Canada. Fait que c'est vraiment fabuleux de voir ça, là. Ben effectivement, j'ai fait une entrevue avec Eugène Lapierre le dimanche, puis il était bien content, il était vraiment content là, du tournoi, de la façon que c'était fait, puis il dit que c'est un tournoi qu'il aime beaucoup, puis ça l'aide beaucoup, ces petits tournois-là. Ah oui, c'est certain. Oui. Autant les hommes que les femmes, là, c'est des tournois pour ça. Fait que c'est le fun là, de dire après que tu as eu des joueurs de la trempe de Kerber. Justement, faut pas oublier hier la finale, c'est deux joueuses qui ont joué ici. Là. Fait que c'est quand même. Ça, c'est une belle vitrine pour vous c'est autres. C'est une belle carte postale, là. Oui, effectivement. Ah oui, c'est vraiment une belle vitrine, effectivement. Puis en tout cas, on est bien fiers d'elle. Puis justement, on va sûrement lui envoyer un petit mot au nom de Challenger, au nom de tous les gens ici au Saguenay, là, qu'on est fiers de ses performances. Puis on l'applaudit là, finalement. Ouais. Dis-moi, est-ce que ça va avoir un impact sur Eugénie Bouchard? Est-ce que tu penses que, parce que c'était souvent Eugénie Bouchard qui avait des spotlights, est-ce que là, finalement, le fait que Bianca Andreescu, les succès de Bianca Andreescu, ça pourrait faire en sorte que ça pourrait l'aider? Ben écoutez, ça reste à voir. Hein. Ouais. C'est Eugénie, Bianca, c'est Bianca. C'est certain que, bon, quand on a une petite rivalité là, à côté, ben ça peut aider aussi. Hein. C'est comme un challenge de plus, parce que tu veux quand même rester la meilleure Canadienne, puis ou le meilleur Canadien. C'est un peu comme c'est entre Chapovalov et Aliassime. Mm. Les deux vont réussir à pousser un et l'autre pour justement mieux performer. Ça peut être un peu ça peut être bien, je pense, pour Eugénie. Mais faut dire qu'Eugénie, récemment, jouait quand même du meilleur tennis. Ouais. Quand même 73e au monde. T'sais, bon, c'est sûr que les attentes dans son cas sont peut-être plus élevées. Mais écoutez, déjà d'être classée à ce niveau-là, puis elle a fait quand même de très bons matchs contre des joueurs très bien classés. Fait que je pense que c'est quand même encourageant là, de voir ça de son côté. Elle a changé d'entraîneur aussi. Le reste, écoutez, on va voir. Hein, c'est embêtant. Il y a aussi l'aspect physique et blessure. C'est récemment, elle a eu des petites blessures. Fait qu'il faut qu'elle soit capable justement de contrôler ça, puis de pouvoir continuer. Puis il y a eu quelques matchs qu'elle a échappé qui étaient très serrés. Fait que si elle avait réussi à gagner ces matchs-là, ben ça irait donner un boost de confiance de plus aussi. C'est ce que Andreescu a réussi à avoir là, des derniers temps. Là. Donc ça, c'est très positif. Là. Un mot sur Raonic, qui lui s'est incliné en demi-finale contre Dominic Thiem. Écoute, Thiem a gagné hier contre Federer, donc il a quand même livré une bonne bataille en 3 manches. Oui, effectivement, c'est dommage. On aurait pu avoir 2 Canadiens en finale. Mais oui, Raonic a joué de l'excellent tennis. Écoutez, Thiem a quand même gagné le tournoi. Ça a été très serré en 3-7. Mais je pense que c'est quand même positif pour lui aussi. Là, il va pouvoir bâtir là-dessus. Puis continuer là, quand même à bien faire ce qu'il peut faire. Son service. Même en fond de terrain, il a joué quand même du tennis très solide. Fait que ça prend pas grand chose. Là. Écoutez, il est quand même 14e au monde. Fait qu'on le sait que Raonic peut continuer à se maintenir comme ça, puis même améliorer son classement. Mais c'est ça. Il faut qu'il continue là, justement à bien faire les petites choses, puis continuer à rester en santé, surtout dans son cas, parce que bon, récemment, ça va quand même mieux, mais il a quand même eu son lot de blessures là, dans les dernières années. Effectivement. On s'en reparle très, très bientôt, Caroline. OK, merci beaucoup. La spécialiste Caroline Delis.